Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine. Je suis désolé, nous on était à l'heure. Oui, mais c'est vrai, mais nous aussi on est à l'heure. Alors, à ma droite, comme chaque semaine, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM. J'ai la queue qui frétille. Bob du club. Salut les filles. Ah oui, c'est vraiment un film de science-fiction. Alors, heureuse. Avec toutes ces élections, il passe son temps à bourrer les urnes. Et ce n'est pas une contre-pétrie, c'est Maurice. Bonsoir à tous. Il n'y a plus que les urnes, hein, toute façon. Entre deux meetings de Jean-Luc Mélenchon, il nous fait l'amitié d'être parmi nous. GG, connasse. On t'a vu à la télé sur BFM secouer les drapeaux avec la faucille et le marteau. Ah là. Oui, il s'est secoué le drapeau à la télé, puis il a été en taule après. à ma gauche, c'est le cas de le dire. Oh là là. Gauche, moi, je suis apolitique, monsieur. Donc, on attend son grand retour sur scène. Sur scène. Oui, bah oui. Mais on l'annonce. Ça fait que 2 ans. Non, il y a deux ans. Il y a un spectacle qui se prépare. Ah, mais c'est Frédéric Coster. Il y a plein de choses qui se préparent. Oh. Là, alors, ce soir. Merci Manu. Aux côtés de Frédéric, c'est un habitué qui vient de temps en temps quand il y a des filles. Donc on lui a fait croire que ce soir c'était Anaïs Petit, mais non, ce n'est pas elle, c'est Manu. Ouais. Bonsoir. Salut Manu. Manu en deux mots. Mission sera réalisée par Davy. Ah. Ouais, très bien. Et l'intendance toute la soirée grâce à René. Ah oui. Et animé par Philippe Bénaud. Ah, ça va être bien alors. On s'en excuse. Cher Frédéric, oui. Comme chaque semaine, oui. Tu as convié un invité. Oui. Et si vous me permettez ce petit jeu de mots, on ne lui a jamais fait, c'est un invité qui va mettre le turbo ce soir. Ah. Et il s'appelle Christophe Ferrari. Ah. Oh, qu'elle est bonne. Oh, qu'elle est bonne cette vanne. Salut Christophe. Salut. On ne t'a jamais fait ce genre non, de blague. Non, du tout. Jamais. On avait oublié de te prévenir que Frédéric était auteur pour Laurent Gérard. Ah oui. Alors, Christophe Ferrari vient nous voir pour un spectacle. Tout à fait. Qui s'intitule... Bah, demande-lui, il est là. Ah bah oui. Ah bah oui. Qui s'intitule comment? Alors, Christophe Ferrari, voix rouge. Ah, déjà. Ça va plaire à GG. Et que tu joues où? Alors, à la Petite Loge. Oui, à Paris. À Paris, effectivement. Et Frédéric va donner l'adresse. Non, c'est Maurice. Ah non, c'est Maurice. Ah, ça, c'est le job Maurice. De Maurice. C'est bien ce que je dis. Maurice, c'est la deuxième fois. Je ne pique pas le job des travailleurs. Chacun son job ici. Alors, la Petite Loge. Chacun son travailleur. Job. Ah, très bien. Et non pas Zob. Non, mais c'est pas vrai. Ah, bravo. Alors, bravo, Bob. Bon, alors, on t'écoute, Maurice. Alors, la Petite Loge se trouve aux deux rues La Bruyère. Pas du tout. À la tête de Maurice. Il a préparé l'émission, Maurice. Une fois qu'il démarre bien. Ah ouais, ah non, là, vous êtes pas sympa possible. Avec lui. Hein. C'est pas possible. Allez, vas-y. Ne l'écoute pas, Maurice. Je suis avec toi. Ah, oui. Ben. Oui. Bah oui, on m'oblige. Bientôt les photos dans Gala. Alors, la Petite Loge se trouve au neuf. La Petite Loge. La petite dès smage. Le début, maintenant. Merci, Maurice, je vais le faire. Non, il insiste. Oui, oui. Alors, pour voir Christophe Ferrari, voix rouge, il faut venir à la Petite Loge, 2 rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement, à Paris. Oui. Et c'est au métro Saint-Georges, au Pigalle. Très bien. Merci, et Maurice. C'est tous les mercredis à 20h. Ah, très bien. On est, et par le alors, bus. Après, il va réviser. Alors, Christophe, ça parle de quoi, ce spectacle? Alors, ça parle de malbouffe, ça parle de maladie, ça parle de choses pas drôles, en vrai, de politique. Ah, aussi. Ça parle de drôle, Dieu, pas... de racisme. Voilà. Donc, en fait, tu balayes un petit peu tous les sujets. Et... Alors, c'est un personnage central qui balaye tout ça ou il y a différents personnages? Ouais, c'est du stand-up. C'est du stand-up. Donc, c'est effectivement moi qui le dis, ouais. D'accord. Mais dans un personnage, hein, parce que... Et alors, le spectacle, j'imagine, du coup, évolue aussi au gré de l'actualité Non. Bah, sur Dieu, ça a pas trop changé depuis. Non. Ouais, non, j'essaye de prendre les grandes lignes pour pas changer, du coup. Je suis d'accord. Un peu feignant. Oui, c'est ça. Parce que c'est toi qui écris le spectacle. Ouais, c'est moi. Ouais. C'est ouais. Toi qui mets en scène. Non, on me met en scène, mais je sais plus qui. Ah. Maurice, nom du metteur en scène. Il va être content, hein. Merci. Ouais, c'est Yvette Content, merci. Yvette Content, c'est une grande metteuse en scène. Yvette Content, ouais. Et alors, c'est très sympa comme gars. C'est ton premier one man. C'est mon premier one, ouais. Ah sûr, oui, ouais. Donc c'est la première fois que tu commets. Oui. C'est peut-être ton dernier aussi. Bah, Maurice. C'était drôle, ça. Non, mais dis donc. Bravo, Maurice. Bravo. Merci, Maurice. Pourquoi t'as l'intention de le raccompagner? On m'avait dit de me méfier. Ah, ça oui, ça oui, ça. Non, mais il a pris un ecstasy ce soir. Ah. Alors, c'est une super expérience. La petite loge, on connaît bien la salle parce qu'on y est allé plusieurs fois en plus, c'est vrai. Ouais. Et c'est une bonne expérience parce que avec le public qui est super prêt, en fait, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est dur. Mais il y a plutôt intérêt que ça marche d'ailleurs. T'as vu le gabarit que j'ai ? Oui. Ça ne peut que marcher. Oui, oui, là, tu leur fais peur. Hein. C'est ça. Non, non, mais c'est le contraire de Bob. Oui. Quand ça marche pas, c'est dur. Il était rugbyman dans une vie antérieure. Ah oui. Ah ouais, Jacques Fourou aussi, il était rugbyman, il était tout petit. Mais alors, ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de monter sur scène ? Depuis des années en vrai, mais il manquait quelque chose et que j'ai trouvé, donc je suis monté sur scène. Du pognon. Non, des couilles au cul. En vrai. C'est ça le truc. Ah bah, ça fallait qu'on te donne le numéro de Maurice. Hein. Maurice, tu me feras ma promo. C'est Louis Jouvet. C'est Louis Jouvet qui disait, dans ce métier, il faut avoir des couilles au cul autant que ça soit les siennes. Ouais, donc ouais, c'est quelque chose, une envie lointaine. Ouais, depuis petit, ouais. J'écoutais Coluche, mon beau-père écoutait Coluche et du coup ça m'a marqué beaucoup. Ouais. Sans comprendre, je rigolais déjà, j'étais con à l'époque. Mais maintenant que j'ai compris, je rigole toujours. Ouais. Bon, et j'aime beaucoup ce mec-là. Alors tu vas voir que dans cette émission, bon, bien sûr, on reparlera du spectacle et puis peut-être qu'on aura deux, trois petits extraits, tu nous pourras nous faire ça en direct. Là, si je suis payé, ouais. Oui, oui, oui. payé en cacahuète. Ou menacé. C'est gentil. Ou menacé. Ah, oui. Alors merci. Tu vois, dans cette émission, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Merci, en tout cas. Il y a des tournées de blagues, des blagues historiques de Maurice. Oh là là, hystérique. Oui. Hystérique. Des jeux, des épreuves. Mais tu vas rapidement te rendre compte que cette émission est une épreuve à elle toute seule. Et la première épreuve, c'est le baptême de l'équipe adverse. Ah oui. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Équipe à ma droite avec Bob Duclos, Maurice et Gégé. Tiens, t'as mis ta petite chemise à carreaux. Et puis, ben oui, je suis pas à la télé, donc ça frise pas. Équipe à ma gauche, Frédéric Coster, Christophe Ferrari et Manu. Et pour que les auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de l'émission, il faut bien sûr que les équipes aient un petit nom. Alors, je vous laisse réfléchir, hein, Christophe. Bob est toujours prolifique en baptême d'équipe. Ben, je les regarde tous les trois. Oui. Enfin, j'en vois surtout deux, parce que l'autre est tout petit. Alors, j'en vois surtout deux. Je crois que c'est pour toi, Christophe. Ouais, on va les appeler les chauves. Mais ils ne sont pas du tout chauves. Ah bah si, quand même. Ah bah pas celui du milieu. Il y en a un qui est chauve. Ça commence. Alors, de votre côté. Alors, on laisse l'invité en général. Est-ce que tu as une idée pour l'équipe d'en face? Ils ont Vas-y, déjà... Vas-y, lâche-toi. Ils ont déjà tout eu, hein, t'inquiète pas. Les petites molles. Ah Excellent. Ah, celle-là, on ne l'avait pas fait. Voilà, ouais. Alors, pour... Les petites molles, hein, oui, c'est ça, voilà. Je crois que le gobelet de Bob est percé. Oui, il faut un gobelet. Si monsieur René peut faire un SOS gobelet pour Bob, vite, voilà, il faut qu'il boive tout. Voilà. Plus sec. Première question pour les chauves et les petites molles. À votre avis. Oui. Alors là, c'est le premier qui a la réponse. Voilà, qui fait marquer son équipe. Hein. À votre avis, qu'expose le fameux musée Galliera à Paris? Des poils à frire. Non. Des peintures. Il expose une... Des vieilles. Non, un truc sur l'Égypte, mais qui datait d'avant les pharaons. Non, non. C'est le restaurant de régime. C'est historique. C'est en général ou c'est actuellement? Ah non, c'est actuellement. C'est un musée assez connu. Il expose des trucs historiques? Pas vraiment historiques. Il y a, bien sûr que dans un musée, il y a toujours un fond d'histoire. Mais c'est du XXe siècle? Il y a du XXe siècle. Oui. En principal? Partie, non. C'est non. De l'art? Bon, une forme d'art. Ouais, donc c'est pas des tableaux? Non. C'est des sculptures? Non. C'est du cinéma? Non. C'est des choses composées? Oui. C'est des choses concrètes? Oui. Des hommes politiques? Oui. des papiers de rouleaux de papier cul? Tu connais un musée qui expose des rouleaux de papier cul? Oui, mais oui, j'en parlerai pas. Chez lui. Chez lui. Oui. Oui, tout à Tiens, fait. Tiens, cette feuille, elle est pas mal, je la garde. Mais Bob est un très bon sculpteur. Oui. Parce que la dernière fois, je vais chez lui, je rentre et je dis, mais Bob, je vois sa femme, je dis, Bob n'est pas là. Il me dit, si, il coule un bronze. Oh. alors, en parlant de ça, donc c'est oui, des le lunettes. Lotus César, on l'appelle. Des lunettes de toilette? Non. Non, c'est quelque chose de très connu. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs artistes qui un peuvent. Un train. Non, c'est non. Pas un train. C'est non. Pas le musée du train. Mais ça existe, le musée du train. Oui, exactement. Bien sûr. Mais par contre, si tu vas à Rue Saint-Denis, t'as le musée de l'arrière-train. Alors, j'allais vous dire, donc, il y a plein de de créateurs qui exposent dans ce musée. Des pins, hein. Des sculptures. Non. Non, je l'ai dit, idiote. Dis donc, tu me parles autrement, toi. C'est moulé. Non. Ah bah tu tiens, toi. Hein. Bah, et c'est... Ça dépend s'il a c'est chien. C'est... Est-ce que c'est mâché avant? Oh. J'espère que tu suis pas la même idée. Oh. Dis donc, t'as été où en vacances, toi? Au camping. Pas... C'est pas une rétrospective sur les meubles des années 70. Pas les meubles. Ah, ah tableaux, c'est des robes, les tableaux, des perruques, des robes, des robes. Des vêtements. J'accorde à Maurice, car c'est effectivement le musée de la mode. Ah, pas ah, bravo Maurice, de Maurice. Ah, alors il y a le réalisateur de l'émission Jérôme Revon qui me demande de répéter car on l'a pas entendu depuis 17 ans. Bonne réponse de Maurice. Bon Maurice, tu peux rester, on te garde. Juste après cette courte pause, Christophe, tu vas voir qu'il y a quelque chose d'important dans l'émission. C'est la première tournée de blagues. Les auditeurs l'attendent avec impatience, surtout les nouvelles blagues de Maurice. Donc vous restez avec nous, on revient avec Christophe Ferrari. Oui. Retour, on va se marrer avec Christophe Ferrari. Oui, oui, oui. Maurice, rouge ou blanc? Vert. Ah oh bah lui... Au hasard, rouge ou blanc? Rouge. Rosé. Eh oui. Mais vas-y. Rouge. Bah la promo. Ah. Oh là là là là là là là là là là. Elle est con cette Maurice. Maurice, dans le micro, bon, allez vite. Alors vas-y, renvoie. Maurice, vert ou bleu? Rouge. Ah oui, en fait, il t'écoute pas. Oui, pourquoi rouge? Voilà, parce que Christophe Ferrari voit rouge, lui. Ah, et c'est alors à la que Maurice loge. Boit rouge. Et c'est alors à la petite loge. Laissez-le faire la promo. Oui, pardon, excuse-moi. Là, c'est à la petite loge tous les mercredis à 20h, qui se trouve aux 2 rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement, à Paris. C'est Christophe, il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit, de très important, c'est est-ce que tu as un Facebook? J'ai un Facebook, oui. Ah, Maurice, note-le. Oui. Et regarde Christophe, demande-lui. Est-ce que. Oh, bon, il faut tout Maurice, faire. Maurice, je te prends sur Facebook. Oh putain. Ouais. Ce soir ici. Ne dis jamais ça, Maurice. Jamais dire ça à Maurice. Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter sur Facebook? Bien sûr. Ah. Alors vas-y, dis-nous. Bah, Christophe Ferrari. Ah bah c'est facile. Voilà, c'est tout. C'est ça, c'est de la merci promo. Merci Maurice. Ça, c'est de la promo. J'aime ta moustache blanche. Voilà, ouais, c'est ça, bien. C'est de la promo, ça. Bon, alors, puisque Christophe a l'air en forme, je propose qu'on lance la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Bien sûr, une petite mignonne de Gégé. Qu'est-ce qui est rouge, long et qui fond dans la bouche? Oh, M&M's. Je crains le pire. Oui. Une bite de l'épaule. Oh, oh non. Mais non. Pasteur là. Oh non. Mais n'applaudissez pas. Mais non. Un peu tôt. Au secours. Mon Dieu. C'est un mec qui sort de la salle de bain et qui arrive devant sa femme en bandant comme un taureau. Déjà, c'est pas autobiographique. Oui. C'est gratiné. En le voyant, sa femme lui dit... « Pas ce soir, chérie. J'ai mal à la tête. » Le mec répond « Pas de problème. J'ai mis de l'aspirine sur ma bite. Tu le veux en cachet ou en suppositoire ?» Oh là là. Mais non, on n'applaudissait pas ça non plus. Drôle, mais c'est un Maurice. Festival, c'est pas possible. Mais c'est bien, c'est classe. Voilà. Et après ça, Bob va nous faire une citation. Voilà. Dans une pharmacie, un homme demande au pharmacien, monsieur, oui. Je voudrais un préservatif parfumé, s'il vous plaît. Oui, bien monsieur, quel parfum? À la pomme, c'est pour un boudin. Oh. Mais tu sais qu'ils en font à la mayonnaise aussi. Oui, hein. Pour les thons. Pour les thons. Alors, c'est une petite fille qui va voilà. Voir... Attention, sa... attention, attention. Imitation. Imitation de petite fille. Petite fille. La la la la la la la la la la la. Qui va voir sa grand-mère. T'es sûr que c'est une grand-mère? Mamie! Ouais! Mamie, viens voir! Oui! J'ai un lapin! Ah bon? Ben, montre-moi ton lapin alors! Alors la fillette lève sa jupe, et montre son sexe. Et toi, mamie, tu me le montres, ton lapin ? Oh, fais chier, non, attends, là, je suis occupé. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord. Non, c'est Claude Sarraute. Bon, d'accord. Je la refais, mon micro était coupé. C'est Nadine Morano, sa grand-mère. Bon, d'accord. D'accord. Bon, alors la mamie, il soulève la robe. La fillette découvre avec horreur un sexe ravagé. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, mais il est tout moche. Oh, ton lapin, il est tout moche. Oh, mais dis donc. Oh, c'est l'horreur. Ouais, ta gueule. Ah oui, c'est ça. Quand ton lapin aura bouffé autant de carottes que le mien, on en reparlera. Oh. Bon. Bon. La, la, la, la, la, la, la, la. Je vais essayer de relever un petit peu le niveau. C'est Madame du Club qui s'engueule avec Bob et qui dit « Ouais, Bob, t'as encore grossi !» Elle parle comme ça. Donc, comme Madame du Club trouve que Bob a grossi, elle l'a inscrit à une cure d'amaigrissement. Ah. Et il faut qu'il perde 10 kilos. Ah. Et alors, il arrive, Bob, à sa cure thermale, machin, et le préposé à l'entrée lui dit « Pas de problème, monsieur, avec nous, vous perdez 10 kilos en 2 séances. » Je voudrais bien voir ça, tiens, hop, il signe. L'hôtesse l'emmène dans un salon, lui dit de se mettre tout nu, d'attendre que l'entraîneuse particulière arrive. Un petit peu surpris, bon, il se fout à poil, et puis la nana, une super bombe atomique, elle arrive à poil aussi. Alors, elle regarde Bob, et puis elle fait « On a 2 heures, si tu m'attrapes, tu peux me baiser. » Alors Bob là, Bob il y a l'adrénaline qui remonte, hein. Alors il lui court derrière, mais évidemment comme la fille est beaucoup plus jeune et beaucoup plus athlétique, au bout de 2 heures, il l'a toujours pas rattrapée. Et elle lui dit, tant pis, ça sera pour une autre fois, la prochaine séance demain à la même heure. Il rentre chez lui, il se pèse, Bob, et « Oh, super. J'ai perdu 3 kilos, génial. Sur les 10 que je devais perdre. » Le lendemain, il y retourne et il dit « Bah ouais, mais enfin, j'ai quand même pas perdu 7 kilos. » Ils m'ont dit 10 kilos en 2 séances. Voilà, votre salle est là, monsieur. » Et là, il y a un énorme black, 2 mètres 10, 130 kilos, qui lui dit « Allez, commence à courir. Si je t'attrape, je t'en... » Voilà, merci. Mon pauvre Frédéric. Et là, tu les as perdus, tes 10 kilos. Oui. Non, oui. Il a pas bougé. La tête de je Bob. Cours encore. À quoi ça sert de courir ? La blague de Christophe Ferrari. Alors, j'espère. Oui, t'inquiète pas, tu pourras pas faire pire. Si, moi. Moi, ça va être moins drôle. C'est un mec qui sort de chez lui, qui rencontre son voisin de palier, qui est psy, et il lui dit bonjour. Et le psy le regarde et dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Si, elle est drôle. C'est pas faux. Bon, vu que Frédéric Coster a pris vachement de temps pour sa blague, je vais en faire une de 3 lignes. Oui. Vous savez quelle est la station de métro préférée des mères juives ? Ah non. La station Mange. Mange, mon fils, mange. Ah tiens, au fait, tu te rappelles des Chemonfils ? Monsieur, oui. Madame Chemonfils. Oui. Ça y est, leur fils est né. Ah ? Oui, Thierry, ils l'ont appelé. Thierry, je m'en fais. Thierry, je m'en fais. Alors, nous avons une petite surprise après, pour toi. Après cette blague qui sera coupée au montage. Nous avons autre chose pour toi, Christophe, dans l'émission qui s'appelle la roulette russe. Ah. C'est la première fois que tu viens, donc tu ne peux pas encore te rendre compte. Les auditeurs, eux, connaissent. C'est que Maurice, ici présent, a une collection incroyable de blagues historiques qu'il connaît par cœur. Par cœur, Maurice, on a dit. Par cœur. Range. Et donc, le principe de cette roulette russe... Range tes papiers. On te propose des mots qui correspondent à ces blagues historiques de Maurice. Tu dis stop quand tu veux et automatiquement... Instantanément. Without the note. Sans lire ses notes. Pose son critérium. Maurice raconte la blague. Sans la foirer. Ça, c'est moins sûr. Ah si, non, si, si. Sans la foirer. Et en s'adressant, bien entendu, à l'invité. Mon cher Christophe. Alors, cher Christophe, je lance la roulette russe et tu dis stop quand tu veux. Top roulette russe. Star Wars. Roue de secours, perchiste, sex shop. Ah, t'as pu. Ah, ah, c'est bien, oui, cet article a beaucoup de succès, monsieur. Ah, on l'aime bien. Alors, Maurice, on t'écoute. Ah, il va pouvoir me donner la réplique, peut-être. Après, peut-être, mais fais-la d'abord bien. Oui. Alors, mon cher Christophe Ferrari, qui voit toujours rouge. Ah, où ça? À la petite loge, rue La Bruyère, tous les mercredis à 20h30. Ne recule pas l'échéance, ça sert à rien. Et l'adresse du parking, c'est où? Il n'y en a pas. Alors, c'est une cliente qui rentre dans un sex shop, voilà, et qui demande qui désire des gonne-michets, tout ça, et qui voit le vendeur et qui lui dit « Bonjour, monsieur, je désirerais avoir des sex shops, qu'est-ce que... » Non, des gonne-michets, des gonne-michets. Non, non, fais-la correctement. Ouais. Et là, il faut que tu la recommences. Ah non, oh bah, monsieur. Oh bah, attends, elle est foirée. On la coupera au bout. Mon cher Ferrari Christophe. Oui. Dans deux minutes, ça s'arrange. Dans deux minutes, ça s'appelle Volkswagen. Ça sent réchauffer là-dedans. Mon cher Christophe Ferrari. Maurice, ça va être une Lada. Hein. Laissez-le raconter sa blague. Bon, on est pas dur avec lui. Hein. On est là demain matin. Allez, vas-y, mon cher on y croit, Christophe, hein. Oui. C'est une dame très... Pas fini encore. C'est une dame très bien, il te dit. Très bien, qui rentre dans un sex shop, qui voudrait acheter un gonne-michet. Ah. Ouais. Le vendeur la voit rentrer et elle lui dit bonjour, bien sûr, parce qu'il est très poli. Bonjour madame, qu'est-ce que vous désirez? Bonjour madame, au revoir madame. Alors la dame du 16e lui dit « Monsieur, je recherche un gonne-michet. Qu'est-ce que vous avez en couleur, en grosseur et en épaisseur ?» C'est quoi déjà la dame Alors bon, le vendeur lui dit « Vous voyez madame, nous avons tout un échantillon sur l'étagère, de toutes les couleurs, d'à 10, 20, 15, 50, 100... 50 centimètres. Ah, je connais les prix. Les prix, on les dira après. 100 centimètres. Voilà. Et la dame voit réfléchir. C'est un truc réfléchir. Qui te ressort par les oreilles. Ils vont me la foirer. Non, les gars, elle est bien. La dame... Non, mais on t'emmerde, alors on parle entre nous. La dame voit sur l'étagère, a réfléchi et tout. Et à un certain moment, elle tourne la tête. Ah. Et elle voit sous l'étagère... Une chose tout en rouge. Ah. Qui est, alors elle dit au vendeur, et celui-là, il fait combien? Et le vendeur lui dit, mais madame, il n'est pas à vendre parce que ça, c'est l'extincteur. Vous avez remarqué qu'il a meublé cette fois-ci. Quand on vous dit que la vieillesse est un naufrage. Tout ça pour ça. Oui. Ouais. Bon, juste après cette courte pause, Christophe, je pense qu'on va pouvoir te solliciter pour un petit extrait du spectacle, si tu es en forme. Donc, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Il va avoir les formes aussi. Hein. Oui, avec Christophe. Ferrari. Merci, Boris. Retourne au Basse-Marais avec Christophe Ferrari. Alors moi je vous propose une chose, on part directement à la petite loge à Paris, rue La Bruyère, on y est là, il est sur scène. Maurice, qu'est-ce que t'en penses? On y va tout de suite. Hein. Allez, on retrouve en direct pour vous Christophe Ferrari. Ouais. Bonsoir. Merde, ça commence bien là, putain. Comme ils s'appellent les mecs là que... Merde. Qu'ont un nom à coucher dehors là. SDF. Ah oui. Ah, SDF. Oh. Ah, vous les connaissez? Non, enfin, je dis ça parce que. Non, je dis ça parce que quand tu sors de chez toi, t'as l'impression d'être chez eux tellement ils sont partout. À croire qu'on construit des rues pour ces gens-là. Non, attention, je suis pas contre les SDF. Hein. S'il y en a, c'est qu'il en faut. Mais pas dans la rue quand même. Parce que en plus, pour la plupart d'entre eux, ils sont complexes. Enfin, je vois l'autre jour, il devait être à peu près 8h du mat. Je sors du métro. Il y avait un bordel autour d'un SDF. Des cartons, des couvertures. Merde, le mec avec le monde qui est pas chez lui. Ouais. Il aurait pu au minimum manger sa chambre. Ouais, au minimum. Puis tiens, je voudrais dénoncer, tant que je suis là, je voudrais dénoncer certains qui disent que l'SDF, il pue. Oh. Bon, c'est vrai qu'il pue. Mais on peut pas dire qu'ils sentent leur enfermé, ils vivent dehors. L'argent n'a pas d'odeur, d'accord, mais les sans-argent, oui. Hein. Par contre, ils ont un courage fou, ces gens-là n'ont rien foutre. Ouais, et moi-même, pour de l'argent, je le ferais pas, toi. Et pourtant, Dieu sait que je suis feignant et que j'aime l'argent. Hein. Ah oui. Mais surtout, je vois pas l'intérêt d'être SDF. Ou alors, s'il y en a, c'est très peu. Bon, on l'a vu tout à l'heure, ils sont pas obligés de ranger leur chambre. Bon, c'est limite, hein, ça donne pas envie d'être SDF. Hein. Ah, ils peuvent habiter partout où ils veulent sans payer de loyer. Ah. Ah. Tiens, comme un ministre. C'est dingue comme les deux extrémités se rejoignent. Putain, j'ai du mal à le dire, je la refais. C'est dingue comme les deux extrémités se rejoignent. C'est mieux. Bah tiens, voilà une solution pour les SDF, dormir sous un ministère. Et avec tout l'argent que les ministres nous balancent par les fenêtres. Il pourrait peut-être en récupérer un peu. Hein. Ouais. Non, parce que moi, franchement, je préfère largement que mes impôts servent à des SDF qui sont dans la merde plutôt qu'à nos politiciens qui nous y mettent. Bravo. Et... Merci. Alors, la suite, Maurice. Alors, si vous voulez savoir la suite, pour voir Christophe Ferrari Voix Rouge, c'est le mercredi à 20h. À la petite loge de rue La Bruyère dans le 9e arrondissement à Paris. Bravo. Merci. Ah, merci. Hey, vous pouvez le demander comme ami sur Facebook pour avoir son actualité, parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter en province et on espère qu'on te retrouvera aussi sur nos salles en province qui nous écoutent aussi toutes les semaines. Oui. Et qui ont apprécié, je suis sûr, ce petit sketch. Excellent. Maurice, qu'est-ce que tu fais toi avec les SDF? Moi, je fais rien, moi. Mais si, le truc, tu m'as dit, j'ai encore pas payé mon SDF. Non, son EDF. Ah oui, pardon. Bon, j'ai pas d'électricité, je peux pas payer. Bon, alors après ça, il va falloir quand même une petite épreuve pour marquer des points. Ah oui. Et faut qu'on se rattrape, les gars. Là, c'est une épreuve dramatique, puisque je vous propose... Tu vas chanter? Oui. Ah, ça, c'est dramatique, oui. Le 1 de plus. Ah. Alors, il est très simple, ce 1 de plus, c'est un jeu d'enchères. Je vous demande, cher... Ah oui, non, c'est ça, non. Oui, alors, les deux équipes, les petites molles et les chauves. Combien, à votre avis, êtes-vous capable de me citer de pays dont l'unité monétaire actuelle est le dollar américain? Alors, les petites molles, combien? Deux. Deux pays. Est-ce que vous pouvez faire plus que deux pays qui utilise officiellement le dollar? Le dollar comme nom, hein, par le dollar américain. Le dollar, le dollar américain. Le dollar américain. Le dollar américain. US dollar. Qui ont des dollars américains dans leur monnaie. C'est l'unité monétaire de leur pays. Mais il y en a beaucoup? Non. D'accord. Il n'y en a qu'une. Ah non, là c'est différent. Je croyais que tu parlais du dollar. 12. Il y a 12 pays. Moi, vu la tête de Bob, je serais d'avis de leur laisser avec deux. Bah, il n'a pas l'air d'en connaître une deuxième. Il va en dire une qui ah bah va, oui, tout va le monde la connaît. Oui. Bah, une deuxième oui, qui va tomber bon, mais moi j'en ai pas trois. Donc, Bon, il y a quand même des pays, il y a quand même un nombre. Ah non, mais 12. Des pays qu'on comme menait le dollar, oui. Il y en a 20 en tout. Là, ce sont des pays dont l'unité monétaire, pardon, et le dollar américain. Et le dollar américain. Bon, alors le Portugal, non. Bon alors, il a dit deux. Deux, vous leur laissez deux. On va leur laisser deux. On leur laisse deux. Alors Bob, tu vous avais pris l'engagement de me citer deux pays dont le dollar américain est l'unité monétaire. Je vous écoute. Ils doivent se concerter. Les États-Unis. Oui. Ça fait un. Et la Jamaïque, je crois, ils ont le dollar américain. Moi, je pense à Hong Kong aussi. Non, Hong Kong a un dollar, mais c'est du dollar de Hong Kong. Ah oui, tu as raison. Eh oui, Hong Kong a un dollar, oui. Singapour a un dollar. Oui. Canada, un dollar, l'Australie, il y en a plein. Mais c'est pas cela que je veux. Un dollar US. Quelqu'un a vu Maurice récemment? Ça vous donne. on va dire la Jamaïque. La Jamaïque. Et non, malheureusement. Ah. Aïe, aïe, aïe, aïe. Merci. Je n'ai pas compris la question au départ. Alors, tu vas peut-être la comprendre avec les réponses. Les 12 pays, il y a l'Équateur, la Micronésie. L'Équateur, je crois que c'était la gourde. Oui, ça, c'est pour boire. Le Marshall. Ça, c'est au Le Zimbabwe. Les îles Marshall, c'est américain. Le Zimbabwe, ah, c'est pas américain, le ça, Palaos, ouais. Le Panama, mais uniquement les billets, le Salvador, le Timor oriental, oh là là. Les îles turques. Ah, Timor, c'était la pub avec le pchit. Les îles vierges britanniques. Saba, Saint-Eustache, Bonaire. Non, attends, et le Cambodge en billets seulement. Mais ça veut dire quoi en billets parce seulement? Parce qu'ils n'ont pas les pièces. Ben oui. Ah, ils n'ont pas les pièces. Voilà. Ils ont donc le point va au chauve, j'en suis désolé. Bob. Cambodge, et j'en suis tellement content. Mais c'est les tongs, ils payent en tongs. Non, j'avais compris le dollar, mais pas le dollar américain. Alors, dans les archives de la radio, nous avons donc de nombreuses blagues racontées par diverses personnes. Et généralement, on écoute des blagues de Maurice. Ah oui. Hein, vous aimez bien. Le bol. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose une blague de Gégé qu'on a retrouvée dans les archives. Oh, nom de Dieu. Et alors, je peux vous dire qu'elle est pas, elle est pas piquée des hannetons, celle-là. Oh, bah oui. Tu sais, je me suis dit que les prêtres, en fait, ils devraient se mettre du dentifrice sur la queue. Comme ça, les mômes, ils auraient moins de caries et les parents seraient contents. Alors, non, applaudissez pas, il risque d'en refaire d'autres des pareils. Ah, celle-là, Gégé, je crois que tu nous l'avais bien. Tu nous l'avais. Oui, parce que Gégé a oublié de vous dire qu'il était enfant de cœur. Il était enfant de cœur. Il était enfant de cœur. C'est vrai. C'est pour ça qu'il connaît bien. J'ai tout eu. Enfant de cœur, louveteau et scout. Oui. Et après, tu t'étonnes. Et au départ, j'ai commencé chez les bonnes sœurs. Ça vient de là. Tu vas y finir. Sous la cormette. Tu vas y finir. Et alors, une petite mignonne pour avant de rendre l'antenne quand même. Bon, puisque vous insistez. Oui, vous insistez donc. Philippe. Maurice, on a retrouvé une blague de Maurice qui date des Mérovingiens. Alors, qui est cet auditeur qui avait râlé? C'est Nicolas de Versailles. Ah, très bien, bah oui. Parce que tu avais foiré sa blague. Oui. Alors, fais-la bien, parce que sinon. Une dame se présente chez son pharmacien. « Bonjour, monsieur, je voudrais de... Oh, » Je crois savoir ce que c'est comme blague. De l'acide. Oui. De l'acide. Oui. Non, mais il a râlé, écoute. Raconte-la bien, Maurice. Maurice, il nous a envoyé un mail d'insulte. Fais un effort. De l'acétyl... Je sais pas quoi. Ah, mais Maurice. C'est de l'acide acétylsalicylique. De l'acide. Moi, je le dirais. D'un coup, vas-y. Regarde, Frédéric, donne-le à... C'est de l'acide acétylsalicylique. Bonjour monsieur, je voudrais de l'acide acétylique, l'acylique. Voilà, oui, oui, c'est passé. SVP. Oui, passé. T'es sûr que t'allais à l'école quand t'étais petit? Alors attendez, la blague est pas finie. Vous voulez dire de l'aspirine? Il va me faire mourir, ce con. Oui, elle va. Bravo, Maurice. Bon, Christophe, après cette courte pause, une nouvelle épreuve nous attend. C'est une épreuve dramatique, c'est celle du trivial. Ah ! Avec multiples réclamations, mais ça, c'est juste après cette pause. Restez avec nous, on revient avec Christophe Ferrari. Ouais. Retour, on va se marrer avec Christophe Ferrari. Ouais, ouais, ouais, ouais. On a entendu tout à l'heure. Alors, Christophe, tu nous as dit en début d'émission que tu as été largement inspiré par Coluche dans ton enfance. Mais alors aujourd'hui, quels sont les humoristes qui te font rire, à part Maurice? Anne Romanoff. Gaspard Proust. Oh, ça a acheté un froid. Non, j'ai dit humoriste. Nicolas Sarkozy. Gaspard Proust. Ah, excellent. Ouais. Gaspard Proust. Ouais, c'est un pote, d'ailleurs. On l'embrasse. Il n'y a que Gaspard Proust. Si tu le regardes. Guillon, j'aime bien Guillon. Ah oui. Ouais, j'aime bien Guillon. Je te retire une étoile sur Billard. Oui, bah ça te va bien de dire ça, t'es un négatif, toi. Moi, je suis débiteur sur Billard en étoile. Ah. Bon, alors, donc on voit un peu le style quand même, Bob, de notre ami Christophe. Donc, je sais pas s'il va se laisser faire à l'épreuve du trivial. Mmh. Je sais pas. Alors, si. Parce que chaque semaine, je tire au hasard. Ça, il y a maman qui tire au hasard. C'est tous les jours, ça. Deux cartes dans le boîtier du trivial de 1991. Il tire tellement au hasard qu'il y a des chiots qui lui ressemblent à travers la France. 91, ouais. J'ai même pas fait mon armée. Moi, tu vois, 91. Donc deux cartes. Toi. Il les appelle Martin, tous ces petits. Une carte par équipe. Ah oui. Six questions par carte. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions. pour marquer un maximum de points. Il peut y avoir des cartes obsolètes, hein, fais gaffe. Non, c'est 1991. C'est marrant parce que ah oui, c'est plus, un nouveau. Plus le temps passe, oui. Plus tu fais Guillaume Durand quand t'expliques maintenant. Ah bon? Ah oui, avant c'était Guy Lux. Ouais, non, mais là c'est. Ah, putain, Guy Lux. Ah non, il y a des cartes qui vont être avec six questions. Je m'en fous des questions. Un peu ça. Non mais Guy Lux, ça faisait un peu trop mec de droite, donc je vais pas me faire virer. C'est oui, t'as ça. Raison, c'est Guillaume Durand. Bon, alors, revenons-en à nos moutons. Comme disait Maurice, pendant ses vacances au camping. Il va au camping ? Oui. Il n'y a pas de mais. Allez. Oh, t'as pris la plus moche. Alors. Oui, c'est un concours. Ils vont me tuer, ces cons. Voilà. Alors, donc, deux cartes. Six questions par carte. Le but du jeu étant de répondre au maximum de questions. Deux réponses. Deux questions. Alors, il y a une chose importante que tu dois savoir, Christophe, c'est que vous avez le droit de vous consulter avant de donner la réponse. Il faut surtout, d'ailleurs, se consulter. Voilà. Non, sauf, non, pas forcément. Sauf si vous connaissez la bonne réponse. Ah oui, et dans ces cas-là, vous dites « cash » et vous donnez la réponse. Donc, si c'est mon numéro de sécu... Voilà. Si c'est la bonne réponse, c'est deux points de marqué. Ah. Si vous ne savez pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à votre place et vous piquer le point. Ouais, mais ils n'auront pas le temps. Jusque-là, c'est facile. On fait toujours choisir Bob pour la carte, oui. Parce que sinon, ils contestent en disant que c'est truqué, qu'on a échangé les cartes, que vous les avez révisées avant de venir. Donc, comment il s'appelle ? GG nous traite de collabo du Parti Socialiste. Voilà. Hein, GG ? Mélenchoniste. Ah ouais. Oh non, non, non, s'il vous plaît. Restons courtois. Non, restons courtoises. Voilà. Maurice nous traite de menteur. Oui. Oh. Bon, alors, allez, viens-y au une fait. Ou deux. Maurice. Non, choisis Bob. Une. La une. Yes. On va commencer par votre équipe parce que pour l'instant vous êtes à égalité. Donc bah, de toute façon, à chaque fois c'est par deux que ça commence. Hein, Bob. Oui, oui. Alors, oui. Donc j'ai votre carte entre oui, les mains. Oui, ah non, ta chance. C'est sûr que tu la prochaine. Que, alors justement, juste avant d'envoyer le chrono, on peut faire un swift. Si non, vous... ça va comme ça. Il y a une règle nouvelle. Tu m'énerves. Il y a une nouvelle règle. Alors attention. Oui. Vous êtes prêts ? Ah oh, non, mais oui. C'est pas grave. Voici votre première carte. Oui. Première carte parce qu'il y a une deuxième. Quel animateur de radio ça, c'est pour vous, les filles, a ça. Créé le célèbre Pop Club ? José Arthur. Voilà. Cash, José Arthur. Ah, il faut dire le cash. Deux points pour GG. Bravo, quel GG. Écrivain publia des retouches au livre d'André Gide sur son retour de voyage en URSS. Je sais pas. C'est pour vous, les filles. Non, moi, je sais pas. Carré. Quel écrivain publia des retouches au livre d'André Gide sur son retour de voyage en URSS ? Verlaine. Mais non, idiote. André Gide. Et Verlaine a lieu du temps de l'URSS. Je sais pas. Non, pas du tout. Solzhenitsyn ? Non, je connais pas. Non. Pierre Bellemare. Aucune idée. J'ai dit des retouches, pas des photocopies. Non, pas d'idée. Non. Non. Alors, est-ce que l'équipe des shows, vous avez aurait pu être Roger Perfit. Dans le micro, dans le micro. Non, vous pouvez là, vous pouvez aller dans le micro. Hein. Si t'allais dire quelque chose, Christophe. Non, non mais une connerie. On se concerte. Ah, on se concerte dans le micro. Oui, alors. Oui, ah, oui, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Ah, non, non, mais j'ai rien de connerie. Bon, Manu. Manu. J'en ai strictement aucune idée. D'accord. Moi, j'aurais dit Aragon, mais... Oui, moi, j'étais parti là-dessus aussi. Aragon, Louis Aragon, peut-être. Aragon. Eh bien, c'était André Gide lui-même. Ah. Combien de... Attends, c'est une question à la con. Ah, c'est pas moi qui l'ai préparé. Combien de pays ont signé en 1957 le traité de Rome créant la CE? 12. Cash. Cash. Non. Cash. 6. Ah, je prends lequel parce que là... 6. 6. 6. 6. J'ai confondu avec la CE. Là, il a fallu le tuer quand même. Ah oui, là, Bob, 12. J'ai lu la haine dans ton regard. Alors attention, Maurice, je t'épile. Dans le cadre de notre nouvelle règle, vous pouvez à ce moment-là me dire Swift et je change de carte. Non. Ah, pour les trois autres questions. Oui. Non. Ah bah non. Si vous non, trouvez que votre question est trop dure, on va garder celle-là. Elle est dure. On aime bien les ah oui dures. Donc vous gardez votre nous, carte. Et nous après, on pourra Swifter aussi. Et reprendre leur carte. C'est débile comme règle. Alors attention, là ça continue. Oui, ça continue. Quelle émission télévisée fut créée pour les femmes par Désite Galard en 1965? Je t'ai pas dit. C'est pas Dim Dam Dom. Cash. Oula. Cash Dim Dam Dom, c'est correct. Oh là là. Quel vaisseau spatial, ça c'est pour Bob. Quel vaisseau spatial emmena Armstrong et Aldrin sur la Lune? Oui, c'est... Cash. Non, mais je l'ai pas. Mais Maurice, vas-y, dis Cash, toi, tu le sais. Non. Et je suis... Mais si, en plus, Maurice, je suis... Non, Cash. Ah. Je suis sûr que c'est un Apollo 11. Ah oui. Correct. Et enfin... Pour une fois que je l'avais, celle-là. 7 points. Quel journal a publié une interview posthume de Serge Gainsbourg? Club Dorothée. Un journal qui a publié une interview posthume de... C'est un journal ou un quotidien? Ou un hebdomadaire? Pomme d'api. Un journal. Est-ce que tu penses de Harakiri? C'est un journal, un quotidien. Ah, il se concerte, ouais. Il se concerte. Si c'est un quotidien, c'est pas Harakiri. Ah non, c'est pas un quotidien, Harakiri. C'est un quotidien. Surtout qu'Harakiri, ça existe depuis 40 ans, mais bon, c'est pas grave. C'est au Figaro, le monde. Ben, oui. Alors, vous vous consultez ou... Hein, Bob? Figaro, oui. Ou le Figaro, ou le monde? C'est possible, oui. Je crois pas qu'il fréquentait Libération. Non. On va dire Le Monde. Ouais. Le Monde. Le Monde. Et c'est une mauvaise réponse. Alors, quel quotidien a publié une interview posthume? C'est un quotidien, c'est sûr. Oui. Bon, bah oui. Vas-y, vas-y. Bah, je pense à Libé, ouais. Oui, eh bien, c'est bien, c'est Libé, c'est une bonne réponse. Ah, quand même. Allez. Allez, allez. Et c'est quand même... Non, non, là, vous avez bien marqué. On a de points, là. Alors là, attendez, à l'issue de cette carte, 2, 4, 6, 8, 9 points, mais avec leur carte, hein, quand même. Alors que vous, les chauves, vous êtes pour l'instant menés avec 2 points, mais on n'a pas encore eu votre carte. Donc, voilà, tout est jouable. Vas-y, balance. On est calomnié, vas-y, balance. Mais oui, alors avant de... Allô, espèce de petit calomniateur. avant de balancer la carte, je propose une très courte pause. Oui. Et donc la carte vas-y, de l'équipe. Vas-y, je suis chaud, vas-y. La carte de Christophe Ferrari. Oh là là. De Christophe Ferrari et son équipe. Restez avec nous, on revient juste après ça. Retour au Vas Marais, ouais, avec Christophe Ferrari, ah ouais, qui est chaud pour sa carte, la carte de son équipe. Il a vu comment ça fonctionnait. Les chauves. Je tiens à préciser que la buvette est efficace. Ah, très bien. Très bien, super. C'est frais, c'est super. Ah, bah mon jus de pomme est nickel. C'est ça. La police t'attend à la sortie. Eh bah, ben c'est pas grave, je partirai à pied. Voici c'est votre carte. C'est Davy qui te raconte. Alors donc, les gars. Oui, là il faut assurer. Et hein. C'est là qu'il faut faire des points, les gars. Là il y a, des pions. T'inquiète. T'inquiète, bah si justement je suis inquiet. Vous êtes prêts, Frédéric? Oui, vous êtes prêts, les gars. Oui. Mais oui. Et les gars, vous êtes prêts, les gars? Ouais. Regarde. Bon, alors, c'est parti. Vas-y, nous on a déjà répondu, on t'attend. De ces différentes fonctions, laquelle n'a jamais été exercée par Churchill? Ministre de l'Intérieur, ministre des Finances ou ministre des Affaires étrangères et de la Guerre? Alors, on se concerte là, hein. Oui, on va se concerter. Moi, je serais plutôt à dire qu'il a aucune. Si, si. Il a jamais T'es été ministre de l'Intérieur, ministre des Finances ou ministre des Affaires étrangères. T'es sûr qu'il n'y aurait pas genre la position il a été ministre de rien, en fait. Je sais pas, je pose la question. Moi, j'aurais tendance à dire ministre des Affaires étrangères. Ah. Il a jamais été ministre des Affaires étrangères. Je sais pas, je t'ai pas né, mais bon. Bah, moi non plus, imbécile. Mais je suis sûr qu'il y a un piège là-dedans, quoi. Ministre des Affaires étrangères. Tu le sens bien? Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah, oh, bravo, Fred. Affaires étrangères et de la guerre. Affaires étrangères et de la guerre. Oh là là, bravo. Là, je suis tombé dans le piège. Mais... À quel écrivain doit-on la puissance et la gloire? C'est la valeur, hein. Puissance et gloire. Ils ont enfin un feuilleton à la télé. C'est Château Vallon, ça. Ah. Quelle culture. Alors, la puissance et la gloire. La puissance et la gloire. Un écrivain. Oui. De quel siècle? Ah bah toi, on va te donner la réponse. Tu veux pas ses initiales aussi? Alors là, moi je dirais que c'est un écrivain contemporain, mais vu le nom. Oh là là là là. Pourquoi il s'appelle Ferrari? Tu le rappelles, tu fais une chronique, je crois, qui est diffusée sur de nombreuses radios. Tout à fait. Contactez-moi, frédéric coster@gmail.com. C'est une chronique sur quoi? Sur les livres. Ouais. Ah mais l'écrivain, c'est bien, mais... Ah oui, non, mais moi, je fais Marc Lévy et Guillaume Musso, je fais pas les écrivains. Ah oui. Ça y est, tu nous emmerdes avec tes questions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, en plus, je crois que c'est un gars que vous pourriez connaître parce qu'il faisait pas mal de golf. Il faisait du golf, hein? Oui. Ah, bah écoute, je fais pas de golf. Ah, j'ai cassé ton crayon, Fred. Tu oh non, t'es chiant, Manu. Il joue avec la petite alors, ça m'a énervé, la question. C'est rien. Bon, alors club, je sais pas. Bob du club. Non, je sais pas, on n'a aucune idée. Graham Green. Ah, attends. Tu vas pas laisser répondre. Tu vas nous poser la question à nous, maintenant. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de leur poser. C'est Graham Green. Non, on l'annule. On va essayer d'avoir la bonne réponse. Oui, alors Bob, c'est vrai que là, il y aurait triché. Non, mais on l'aurait pas. Je repose une autre question au hasard. Non. Du au hasard. De la même couleur. Oui, de la même couleur. À quel ancien ministre doit-on un rapport sur la réforme de l'entreprise en 1975? Non, pas à eux, c'est à nous que tu poses la question. En 1975. Oui, à eux, donc, alors. Répète. À quel ancien ministre doit-on un rapport sur la réforme de l'entreprise en 1975? Ils vont se planter. C'est pas Monori. Dans le micro. C'est pas Monori. Non, c'est toujours pas dans le micro. Non, là, c'est sur le côté du micro. Je sais pas, c'est possible. C'est-à-dire qu'il a un gros point noir au milieu, il n'arrive pas à voir Bob. En 1960, sur la réforme de l'entreprise. Oui. Giscard, il était élu déjà, donc c'est pas lui. 74, Giscard. Ah bon? Et donc c'est peut-être Monori. Je suis un petit bateau. Peut-être Monori. Moi, je sais pas. Je sais pas. Bon. Allez, on va alors, dire ça. Monori, c'était Pierre Sudreau. Bravo. Ah, mais j'ai bien connu. Alors, comme l'équipe adverse. Tu nous as fait chier pour rien, Bob, quoi. Comme l'équipe adverse, vous pouvez swifter vous aussi pour les trois prochaines questions. Et oui, il leur reste trois questions. Ah, et dans ces cas-là, j'en prends une autre au hasard. Ah non. On veut les trois qu'ils ont fait eux. On veut les trois de leur carte. Ouais. Ouais. Bon, alors, ouais. Quel présentateur de la télévision est célèbre pour son commentaire intitulé « La France a peur » Cash, Roger Jiquel. Oui. Oui, c'est correct. Ouais, moi je l'avais aussi. Hein. On l'avait tous. Fallait le griller. En combien de fibres est-on techniquement capable de séparer un cheveu humain dans le sens de la longueur? 3, 30, 300 ou 3000? Un cheveu, tu dis qu'on peut le voilà, partager. En combien de fibres et tu poses cette question à l'équipe des chauves. En plus, est-on techniquement capable techniquement. De séparer un cheveu humain dans allez. Le sens de la longueur. Bah, allez, écoute, allez-y les gars, vous 3, 30, 300 ou 3000. Moi je fais confiance à la science et je dis qu'on peut le faire beaucoup. Oui, mais beaucoup c'est 3000. Pas dans le choix. 3000. C'est 3000. Ouais, moi j'aurais dit 3000. Allez, 3000 fois. Tellement absurde que oui. 3000 fois. Vous nous expliquerez comment, hein, bien sûr, mais c'est une bonne réponse. Voilà, bravo. Ah oui, bravo. On l'avait, hein. Mais oui, là, le laser maintenant. Tu prends un couteau. Oui. Tu l'as bien aiguisé. Tu l'as couteau à vitre. Ah. Et enfin, quel festival de cinéma a lieu le plus tôt dans l'année? Oula. Cannes, Berlin, Venise ou Sarasota? Deauville. Ah, c'est pas dans la liste. Non. Le plus tôt dans l'année, c'est Cannes, c'est Berlin, c'est Venise. Où c'est Sarasota. Est-ce que je peux savoir où est Sarasota? Aux États-Unis. Alors, les États-Unis, ils ont plus tôt dans l'année. Ils ont le printemps plus tôt que nous ou pas? Manu, ta gueule, je réfléchis. Ah non, mais justement, parce que c'est au printemps. Oui. À chaque fois. Je crois que Berlin, c'est à l'automne. Ah bon? Cannes, c'est au mois de mai. Oui, au printemps, presque. Oui. Venise. Sarasota, j'en ai aucune idée. Et je pense que Venise, c'est plutôt dans le printemps. Ou peut-être que Venise n'existe pas du tout. Mais il ne suis pas sûr du tout. Alors moi, t'as une idée, peut-être, Frédéric, Christophe? Moi, j'irais Venise ou Sarasota, là. Moi, je dirais Venise, mais... Il y a un piège avec cette Sarasota là. Ouais, moi aussi, ouais, je pense. Moi aussi, même, dans ces trucs-là. Très, ouais. Très honnêtement, je savais même pas qu'il y avait un festival à Sarasota. Mais je sais même pas c'est quoi ce bled en plus. Ouais. Bah, si, ça existe. Hein. Bah oui, sinon ça ne s'est pas marqué. Hein. Ah. Alors moi, je suis sûr qu'il y a un piège pour qu'on dise Sarasota. Ouais, donc d'accord. Faut pas dire Sarasota. Il faut dire. De toute façon, faut pas dire Sarasota parce que c'est Sarasota. D'accord. Donc Sarasota, faut Venise, pas le dire. Moi, je dirais Venise. Alors Venise, allez. Venise. Non. Ah, moi, c'est ce que j'aurais dit aussi, Venise. Alors, donc, on va dire Sarasota. Ils ont perdu les petites molles. On va forcément dire Sarasota. Donc, il vous reste Cannes, il vous reste Berlin ou il vous reste Sarasota. Sarasota. Très bien. Eh bien, c'était Berlin. Oh merde. Ah, c'était Berlin. Bravo. Berlin, c'est à l'automne. Ah, c'est pas moi qui fais les questions. Hein. On va vérifier. Appel trivial. C'est l'ours, hein, c'est ça. Oui. Je me gourge. On va vérifier. On va vérifier. Mais peut-être qu'en 91, c'était à l'automne. Ah oui. Ah, peut-être que oui. Peut-être qu'il n'y a plus de festival à Sarasota. C'est possible. Depuis 91. Il y a peut-être plus cette. Bon, Christophe, une petite roulette russe. Oui. Allez, fais avec comme Maurice toujours. Ah ben oui, c'est lui qui est spécialiste. C'est les blagues de Maurice. Allez, attention, il sort son dossier. Top roulette russe. Skieur juif, zébu, souris, ostréiculteur, araignée, Maya l'abeille, clocher, poussin, perchiste, merlin. J'en ai plus après. Hein. Sur eux. Ah bah ouais, tu reviens au début après. Skieur juif. Top. Ah, c'est un excellent choix. Ah oui, on l'aime bien celle-là. Je la connais pas. Allez, cher Christophe. Mon cher Christophe. Là, il est là. Ça, il est là-bas, il est toujours en face. Bah oui, bah alors pourquoi tu me regardes moi? Bon, accouche, on a faim. C'est deux perchistes qui sont au sport d'hiver, qui se rencontrent. C'est de quoi? Je peux te les chier. Ça y est, il perchiste. A encore deux. Il me fait ça régulièrement. Ils peuvent être perchistes. Deux histoires dans une. Ils cherchent les. Non, ça on a dit ça les notes. Ils cherchent les notes. C'est deux perchistes. Deux skieurs juifs sur une piste noire. Mais non, c'est les perchistes qui doivent faire. Là. Non, ils font les skieurs juifs. Ah, c'est les skieurs juifs. Ah, les skieurs juifs. Alors, aux arcs. Allez, hop. Aux arcs, citoyens. Allez, Boris. C'est deux perchistes qui sont. Ça, il est pas dans les perchistes. Mais pourquoi les skieurs abrutis? C'est deux skieurs. Moi, j'en ai marre, je me casse. C'est deux skieurs juifs qui sont sur une piste au sport d'hiver. Voilà. Et il y en a un qui dit à l'autre. À l'autre, il y a R derrière le. À l'autre. Qu'est-ce qu'il lui dit à l'autre? Il ne peut pas regarder. On te le demande. Les skis sont pas les skis sont pas liens. Oui. Bon shalom. Mais non. Ce qui est drôle, c'est ce qu'il y a autour de la table. Le problème, c'est non. Qu'elle est, elle est incompréhensible. Comment veux-tu qu'on la comprenne? Elle est con déjà. Elle est pas con. Elle est bien. Elle raconte connement, mais elle est pas. Voilà. Alors, mes chers compatriotes, par un con, ça fait bizarre. Mes chers compatriotes, oui. J'ai le regret de vous annoncer Maurice que Président. Je m'exile dans un autre pays. Où je n'entendrai plus parler de ce vieux débris. Non, on va le motiver un peu pour qu'il nous la fasse bien. Oui, 3, 4. Abba, nagila, abba, nagila, abba, nagila, abba, nagila, abba. Allez, hop. Oh, punaise. Ah bah, démarre. C'est deux skieurs juifs qui se rend mon cher Christophe. Christophe. S'appelle Frédéric et tout, n'importe quoi. Très virgule. C'est deux skieurs juifs qui se croisent sur une piste de ski. Ah. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Je sais pas. Shalom. Voilà. Non. Shalom. Non. Shalom. Oh. Et venus shalom. Bon, on va arrêter, on va avoir une bombe. Voilà, c'est gagné. Eh bien, dans quelques secondes, puisqu'on a l'air très en forme, je vous propose de faire une nouvelle tournée de blagues. Lève. Et toujours avec Christophe Ferraille. Ouais. Retour d'On va se marrer avec Christophe Ferraille. Christophe Ferraille, on l'a compris, avec plein de sujets, puisqu'il a l'air d'être un peu énervé quand même sur scène. Hein, oui, parce qu'il voit rouge. Il y a des choses qui t'énervent, hein, Christophe. Ouais, complètement. Ouais. Et ouais. Alors, quand ça t'énerve, tu déglingues sur scène. Ouais, il faut que je sois énervé d'ailleurs quand je monte sur scène. Hein, tu t'énerves. Ouais, un problème. Alors, qu'est-ce que t'as comme technique pour t'énerver avant? Il téléphone à sa femme. Il exige un bullshit ball dans sa veste. Maintenant, je penserai à Maurice. Ah! Oui, eh ben juste Maurice. On va t'envoyer Maurice, t'inquiète pas, tu vas être énervé. Tu vois, il est pas content sa promo. Oh, j'arrête pas de lui dire que Christophe, il est tous les mercredis à 20h à la petite loge, 2 rue La Bruyère dans le 9e arrondissement à Paris, et c'est le métro Pigalle ou Saint-Georges. Et c'est la ligne numéro 12 ou la 9. La sortie. Ça dépend de quel côté vous voulez. Du côté où il y a les putes. Merci, Maurice. C'est ça. Ça, c'est Place Blanche. Ça, c'est de la promo, hein, quand même. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Bah, si tu ne sais pas quoi faire en deuxième partie de soirée. Oui, ah ben, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut dépanner. Ça, ça peut dépanner. Ouais. Alors, donc, voici, puisque vous êtes en forme, votre nouvelle tournée de blagues. Merci, David. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, une petite mignonne, Gégé, hein, quand même. Alors, Toto, dis-nous ce que fait ton papa. Rien, monsieur, il est gogol. Ah, et ta maman? Ma maman, elle est morte. Oh. Et t'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, elle est gogol. Mais j'ai un petit frère aussi. Et qu'est-ce qu'il fait, ton frère, Toto? Il est à l'université. Ah. Ah, mais c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il fait à l'université? Il est dans un bocal. Oh. Moi j'aime bien le petit rire satanique de GG après ses blagues. Tu sais, on l'entend discrètement. Comment dans un bocal. Comment veux-tu que je passe derrière ça? Allez, le passé de télé Z. Alors. Vas-y Z. On va l'appeler comme ça maintenant. Passé de télé Z. Le garagiste demande à un automobiliste: comment avez-vous crevé ce pneu? Oh, bêtement, en roulant sur une bouteille d'alcool. Vous ne l'avez pas vu? Non, l'homme l'avait dans sa poche. Ouais. Merci, Maurice. Merci. Alors, un mec devant sa télé, il contrôle son ticket de loto qui vient de jouer le matin même. Putain, 6 numéros qui sortent. Ouah, il écrit, il va à la fête. Il y a sa femme qui est sur le trottoir en face. Viens vite, chérie, on a gagné au loto. Mais alors, la bonne femme traverse la route. Oui. À ce moment-là, il y a un camion qui passe. Et fouac, elle met à sa fenêtre. Putain, quand la journée est bonne, elle est bonne. Allô, chérie. Alors, ça se passe à l'école. Il y a l'instituteur qui interroge ses élèves. Oui, bonjour à tous. Je suis l'école de Chamalières. Il aurait dû être à la retraite depuis longtemps, celui-ci. Alors, les enfants. Oui, oui, oui. Écoutez-vous, attendez, je vais pas poser la question. Comment fait-on de la compote? Moi, moi, moi. Ah, oui, alors vas-y, vas-y, Maurice, dis-moi. Avec des moules. Comment? Avec des moules. Enfin, je pense quoi? On n'a jamais fait de la compote avec des moules. Ah, si! Il y a ma sœur, elle est revenue hier soir de voyage de noces et elle m'a dit qu'elle avait la moule en compote. Pauvre Toto. Alors attends, parce que maintenant il faut que je cherche un truc qui va. Parce que... Oui, parce que c'est une. Voilà, tiens, on va faire celle-là. Philippe. Oui. Tu aimes sentir le contact du corps de quelqu'un contre toi? Oui. Oui. T'aimes bien. Qu'il te fasse suer? Oui. Sentir son souffle sur ton visage ou sur ta nuque? T'aimes bien essayer de nouvelles positions? Ah, oui. Entrer par l'arrière ou par l'avant? Monter, descendre, entrer, sortir? Oui. Entrer froid et sortir chaud? T'aimes ça? Oui. Bah, prends le bus. Alors maintenant, c'est la blague de Christophe Ferrari. Alors c'est le pape qui est dans le désert et il y a les pompiers qui passent et qui lui disent vous voulez pas, enfin il est dans les sables mouvants et il y a les pompiers qui passent, il dit vous voulez pas qu'on vous prenne là, qu'on vous sorte du sable mouvant parce qu'il est enterré jusqu'à la cheville quoi. Le pape dit non non non, vous inquiétez pas, Dieu est là, il va me sauver. Alors, évidemment ça continue, donc le pape est enterré jusqu'à ses hein, il s'en est jamais servi, oui, jusqu'à ses couilles. Et les pompiers repassent, ils lui disent, vous voulez vraiment pas qu'on... Non, non, vous inquiétez pas, Dieu est là, il va me sauver, des trucs comme ça. Bon, la troisième fois, il repasse, parce qu'il est jusqu'au cou. Et bah, là, il meurt. Voilà. Et il monte au paradis, puis il y a Dieu qui est là, il lui dit, bah alors... Le pape lui dit, bah alors, Dieu, tu m'as pas filé un coup de main? Dieu lui dit, mais tu te fous de ma gueule, on a appelé trois fois les pompiers pour toi. Ça se passe dans un vol Paris-New York, dans un Boeing 747, un 747, et le commandant de bord prend son micro et parle donc à ses passagers. Mesdames et messieurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que nous sommes pris en otage. Alors là, ah merde. La bonne, c'est qu'il exige qu'on se pose à Tahiti. Oui. Non, j'ai fait court, hein, j'ai fait court. Bon, t'attends. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Donc, ah, j'ai rien compris. Mais c'est une mauvaise et une bonne nouvelle. Oui, la mauvaise, c'est que la mauvaise, c'est qu'on est pris otage. La bonne, c'est qu'on va se poser à Tahiti. C'est bien, non? Bravo. D'accord. Oh, c'est bien, non? Oh, il y a pas, ils vendent des maillots de bain. J'appelle tout de suite cet auteur de merde. Bon, moi, je vois que Christophe est un très bon comédien. Et moi, j'aurais bien voulu que Christophe puisse, grâce à Maurice, ici présent... Qui est comédien aussi. Voilà, qui est un très bon comédien, nous interpréter le fabuleux sketch du Sex Shop. Car il l'a entendu tout à l'heure. Ah ben oui, il l'a entendu tout à l'heure. Entendu tout à l'heure. Donc tu fais le vendeur du voilà. Sex Shop. Donc tu fais le vendeur du Sex Shop et Maurice fait la cliente de ce Sex Shop. Donc Maurice, quand tu veux. Bonjour madame. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame. Rien que ça, ça fait rire Bob. Je désirerais des gonne-michets. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Alors voilà, il y a toute une gamme là-haut, donc 50, 100, c'est pas le prix, hein, c'est les centimètres. Le prix, on verra ça après, hein, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc voilà, une petite mot au cul, vite fait. On dit pas non. Sex shop. Pour l'ambiance. C'est un sex shop. Et qu'est-ce que vous avez en grosseur, tout ça, et en couleur? Voilà. Alors en couleur, bah, madame s'y connaît en plus, c'est bien. Hop, une autre main au cul. Alors là, il y en a des violets, il y en a des noirs, hein, il y en a des roses. Phosphorescents, aussi. Voilà, vous avez. Phosphorescents aussi, fluorescents. Pour la nuit. À l'intérieur, oui, ouais. Voilà, madame est servie. Pour ne pas rater sa cible. À pile. Par contre, là, ça, je vois, là, vous avez un modèle extraordinaire que je vois au fond de la boutique, là. Lequel? Qui est sous l'étagère, là, qui est un peu rouge, là. Ah oui, non, mais non, celui-là, il n'est pas à vendre. Hein. C'est l'extincteur. Hein. Ah. GG est consterné. On l'aime bien, ce sketch. Ah oui, c'est le mot. Ouais. Ouais. Bon, Christophe, alors là, tu vas découvrir quelque chose d'inédit en radio juste après cette courte pause. C'est le jeu de la photo mystère. Oui, ça, c'est le jeu, en général, où Bob se retient ses coups. Voilà. Vous aussi, vous restez avec nous. On revient avec Christophe Ferrari. Ouais. Retour, on va se marrer avec Christophe Ferrari. Alors, Christophe, on a un jeu. On a un jeu. Qui s'intitule le jeu de la photo mystère. Ah. Qu'est-ce que tu imagines que ça pourrait être comme mais jeu peut, ça, mais il peut bah, pas imaginer. Par exemple, imagine, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, c'est Maurice qui présente, c'est un truc de cul. Non. Et l'esprit bien tordu. Des fois, oui. Des fois, c'est ça. Oui. Ouais, c'est Maurice qui présente, effectivement. Alors, qu'est-ce que pourrait avoir à faire Maurice, à ton avis? Avec une photo mystère. Pas fouillée. Ah. Oui, aussi, oui. Raconter une histoire, mais mauvaise. Oui. Enfin... Non, mais ça, il en fait. Il est... Oui. Alors, en fait, très simplement, Maurice doit essayer de vous faire découvrir ce qu'il a sur sa photo mystère. Ah. En vous donnant des informations très précises et très précieuses. Alors, pour ce faire, on lui donne des chronos de 10 secondes. Donc, pendant 10 secondes, il donne des informations sur ce qu'il a sur sa photo. Non, alors, bien entendu. Il donne, c'est pas le terme. Il essaie. Voilà. Il essaie de donner des informations. Mais tu comprends jamais rien, toi. Là. Allez, non, on avance, Maurice. Alors, c'est donc, pendant 10 secondes, des informations très précises. Et Maurice profite bien de ces 10 secondes. Il n'a absolument pas le droit, de, bien sûr, de prononcer le nom de la photo mystère. Et on lui a également collé un mot interdit qu'il n'a pas le droit de prononcer non plus. Qui pourrait vous aider à trouver immédiatement. Bah oui. Donc, on commence par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire votre équipe, l'équipe des chauves, avec les 10 premières secondes. Puis, si vous ne trouvez pas, c'est 10 secondes pour l'équipe des petites molles, etc., etc. Maurice, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, pour éviter que Maurice, qu'on lance le chrono et que Maurice perde du temps, c'est Maurice lui-même qui lance le chronomètre. Quand tu veux, Maurice. Stop. C'est un être humain qu'on peut trouver partout. Ça y est, ça commence. On peut trouver partout. Et moi j'ai trouvé. Hein. Ah. Ah ouais, non, mais j'ai le mec qui a trouvé, c'est le génie. Là. Alors, chercher, est-ce que l'équipe des j'ai un coef, non, j'ai un Q892. C'est vrai que le début est toujours un peu difficile, faut le reconnaître. Oui, comment dire, il faut du qu'on dise. Bah alors au hasard, Fred. Bah, je sais pas, moi, je suis venu en ami, tu vois. Toi qui connais bien Maurice. Moi j'allais dire Helmut Kohl. Helmut Kohl. Ah. Non. Non. Je crois pas. Alors attention Bob hein, et GG, Maurice, 10 secondes d'information capitale. Ouais. Capitale. Quand tu veux Maurice. Stop. Cet être humain fait du sport, on le trouve dans des gabarits très corpulents. Ça peut être un joueur de rugby. Oui, un rugbyman, oui. Rugbyman. Ah, non. Ah. Alors attention, cette fois-ci c'est... Pour les chauves, que Maurice va donner ses 10 secondes d'infos quand tu veux, Maurice. Stop. Cette personne peut avoir des queues de cheval pour ne pas embêter le sport. Non, des queues de cheval, une queue de cheval derrière, c'est pas des couettes. Des queues de cheval, c'est des couettes. Mais ne te laisse pas distraire, bon sang. Mais non, mais il vous amuse. Mais tu t'en fous. En général, porte un short. T'as dit D. Non, mais c'est bon, ça va dire 10 secondes maintenant. T'as dit D. D que le cheval, c'est... Bah, pas, oui, ça dépend. Bon, il peut en avoir deux. Il en a peut-être une devant, c'est une queue de cheval. C'est bon. Je sais pas, essaye, j'en sais rien, il m'énerve de toute façon. Dis ce que tu veux, Manu. Bah, c'est un personnage ou c'est un nom de personne qu'on cherche? C'est un sportif, c'est, voilà. Bah, c'est un sumo. C'est un... Oui. Oh, oh, alors là, alors là, Manu, hein. Ah ouais, bravo. Alors, en le point plus, est marqué. Espèce de conne, ils ont pas de queue de cheval, ils ont des petits chignons. Oui, exactement. Ouais, mais j'ai pas une queue de cheval. Et puis, il a des shorts. Ils mettent pas de shorts. Non, hein. Pas du tout. Ils ont des pagnes. Ouais. Non, même pas d'ailleurs. Mais je ne vais pas leur donner la réponse. Oui, bah oui. Bah, alors, attends. Ouais, mais c'est une alors, attends, attendez. C'est pas fini. Maurice, c'est pas fini. Car Maurice n'a pas compris que quand il fait ce jeu, il n'est plus dans l'équipe. Et oui. Il doit être neutre. Donc tu ne dois pas nous enduire d'erreurs. Et je t'ai pas enduit, hein. Ah bah non, on a pas enduit. Non, bah là il fallait. Tiens, vas-y, j'ai mis une baffe, moi. J'en alors, et le mot interdit. Le mot interdit. À votre avis, alors l'équipe des chauves, ouais, est-ce que vous avez une idée? Gros d'abord. Moi j'aurais dit gros. Le mot interdit. Non, oui. Pas gros. Non. Non. Sumo. Ah ou Japon peut-être, oui. Ah bon. Bah, sumo, c'était le. J'ai fait exprès. Non, sumo, c'était. J'ai fait exprès. Voilà. Non, le mot interdit, je sais pas, moi, t'as Tammy, on sait rien. Alors, non, ou Japon. Ouais. Bah attends, on t'a pas dit de réponse encore. Bah, alors, c'est pas Tatami. Ne trichez alors, pas. C'est pas ça. En Japon, alors. Bah ouais, le Japon. Non. Bob. Puisque GG est parti. Mais non. Je sais pas si c'est pas Japon. Ah oui, c'est vrai. C'est combat. Sport de combat. Ah. Non. Alors, c'était quoi? Japonais. Eh oui. Ah, japonais. Ah, c'était pas loin. Non, c'était pas loin. Non. Mais ceci dit. On mange quoi ce soir? Le point est marqué. Oh, et on applaudit Maurice quand même, qui a fait quand même très très fort. Attends, va te mettre à temps. On a des points là, hein, les gars. Ah, là ça cartonne. On a un point. Attends, c'est mieux que zéro. Ou en face. Mais énorme. Attends, je vais lui laisser rebrancher son... Tu peux rebrancher ton micro, Maurice, oui. On t'attend. Oui, branche ton bricot pendant... Oui, et alors, le problème avec Maurice, c'est que quelquefois dans l'émission, il y a des problèmes techniques. Ah oui. Comme je vois que vous êtes bien en forme, on envoie la tournée de blagues. T'as les plaintes de Calédium ou quoi? Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Vas-y, le sifflet. Ah, pardon. Bah oui. La blague de Maurice. Deux hommes discutent, le premier se présente. Maurice, la ponctuation. Deux hommes discutent, virgule. Ah, deux hommes discutent, virgule. Non, là, point. Mais tu la dis pas. Non. Deux hommes discutent, virgule. Le premier se présente, deux points. Petit tiret, Merlin. Le second dit, deux points, enchanté. Point d'exclamation. Elle est bonne, ma blague, allez. Elle est bonne, mais avec un C. C'est quoi cette blague? Ben, donc vous ne l'avez jamais entendu puisqu'on a eu un problème d'enregistrement sur cette blague et au moment du montage on était obligé de couper parce que tout était en accéléré. Oh là là. Ah, alors bonjour, c'était Michou. Michou et Bidou racontent une histoire. Alors, Maurice. Oh là là. Alors, dans l'émission, tu l'as vu, il y a des blagues historiques de Maurice. Et il y a une blague qu'adorent les téléspectateurs. Non, les auditeurs. Et les auditeurs. C'est la blague d'E.T. l'extraterrestre. Ah oui. Oh. Il y en a une trentaine de versions. Toutes plus foirées les unes que voilà. Les autres. Et il y a même une fois où Maurice n'était pas arrivé et on l'a appelé dans sa voiture pour qu'il nous raconte la blague. Exact. Ah, alors ça, c'est E.T. qui va dîner chez sa mère et il dit à sa mère, Thérèse... Même dans ma voiture. Bon, parce qu'il y a une vraie version, hein. Oui. Maurice, la blague que tu as répétée toute la semaine. Alors, on m'a parlé de Maurice, on m'a dit Maurice et les blagues, ah, oui. C'est une grande histoire de désamour, donc j'aimerais bien en connaître la raison. Alors, quelle est la société qui produit cette blague? Ah, moi je ne sais pas, c'est une grande société. C'est la City, quoi, là? La 20, ça c'est une banque. La 20, c'est Thierry Ford. Ah, la 20, c'est Thierry Ford. Voilà. Il n'a pas commencé la blague qui se plante déjà. Alors, il faut que tu refasses en disant Del Pilar. Non, alors là, je m'en fous parce que je ne leur fais pas de publicité. Alors, vas-y, Maurice. Alors, c'est non, mais regarde, non, mais regarde notre invité quand même. Dans les yeux, Maurice. Et adresse-toi à lui. Facile, il est juste en face. Alors, cher John. Mon cher John. Oui, mon cher Maurice. C'est E.T. qui dîne chez sa maman. Oh là non, il essaye de prendre un accent. C'est il vient de réécrire le mot maman avec deux H chez sa maman. Chez sa maman. C'est impressionnant. Non, alors faut pas le perturber parce qu'il faut qu'il la fasse d'un bloc. Ah, oui. Vas-y, Maurice, recommence. C'est E.T. qui dit. Cher John, t'as oublié de dire cher John. Allô, maman Bobo. Non, ça c'est Souchon, c'est pas E.T. Bon, mon cher John. John. Non, John. John. Il est tout seul. Ah, il est tout seul. Oh, il y a papy qui fera pas toute l'émission. Vas-y, Maurice, parce qu'on n'a pas non plus. Oui, toute la nuit. Bon. Parce qu'on on nous a passé le réveillon dessus. C'est E.T. qui dit. T'as oublié de dire cher John. Ah, mais quoi, cher John. Voilà. Depuis le temps, il sait. Alors, vas-y, Maurice. C'est E.T. qui dîne chez sa maman et il dit c'est extraterrestre. Voilà. Pardon. Ouais. Oui, parce que le truc, c'est que quand il est dit bien, son âge, ses histoires, c'est pas drôle. Et voilà, donc c'était avec John et John et les Jam qui étaient là ce soir-là. Et c'est pas un duo. Hein. Et il voulait plus revenir. Il n'est pas revenu. Bon, alors attention, parce qu'en fin d'émission, et donc c'est dans quelques instants, Frédéric nous le sort. Ah oui. Le regard apeuré de Christophe. J'y vais, moi. Non, je suis curieux, là. Ça fait peur. Et il est long, ce soir. Comme d'hab. Comme d'hab. 8 cm. Donc, restez avec nous pour cette magnifique surprise. 8 cm, ça fait ça, à peu près. Oui, ça doit faire pas ça. Grand, hein. Et moi qui étais venu pour ça, putain. Tu vas pas être déçu, Christophe. Ouais. Hein. Restez avec nous, Christophe Ferrari va affronter le petit quiz de Fred. Retourne, on va se marrer avec Christophe Ferrari qui n'a pas eu peur et qui est resté. Oui. Malgré les menaces de Fred. C'est pour ça. On l'a attaché à sa chaise. Alors, Fred, qu'est-ce que tu nous as réservé cette semaine? Bon, alors, comme d'habitude, un petit quiz qui ne rapporte pas de points. Donc, Christophe, sois tranquille. Hein, c'est juste pour jouer. C'est pour le fun. Alors, donc, un petit quiz. Il y a 8 chanteurs ou 8 interprètes, en tout cas, à trouver. Le chanteur, c'est un grand mot, quoi. comment dire, j'essaye de faire chaque semaine un quiz qui a un rapport avec notre invité, si possible. Ah. Donc, cette semaine, nos chanteurs et chanteuses que vous devez découvrir prononcent le nom d'une marque de voiture. Ah. Puisque notre invité, c'est Christophe Ferrari. Ah, bah oui, puis Ferrari, c'est alors, une voiture. Ça, c'est des motos Harley Davidson. Alors, est-ce qu'il y a Ferrari ou pas dedans? Je ne sais pas. Ah, va savoir. Et puis, tiens, je vais corser un peu. Il faudra me donner le nom de la marque qui est citée dans la chanson, parce que des fois, ce n'est pas évident. Oh. Donc, l'interprète et la marque qui est citée, s'il vous plaît. Bah. 2x8. Waouh. Le premier extrait. Bob. Pardon? Le premier extrait. Ah bah c'est le premier extrait. Oui, alors, mais non. Bob a Alzheimer, on vous le rappelle. Oh là là, c'est le jingle. Jingle. Attends, alors, on va la refaire. Le jingle. On se fait des lignes. En Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Masse. À gauche. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose. Oh, cousine, tu danses ou je t'explose? Sous la pluie, écoute Étienne Baker. Au fond du Studebaker, s'unirait mon levier. Écoute Jack Baker pleurer sur tout ce qui sent. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Puis supprimer une petite MG, trois compères, assis dans la bagnole sous bougeur réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, là. Je suis prêt à tout pour que ça passe. Dire du mal du voisin d'en face. Supporter les Opel Vectra. Et même regarder Thalassa. Monsieur André Citroën et avait Monsieur Ford Henry. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. J'aime les filles de chez Renault. J'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles des hauts fourneaux. Ah là, tu t'es décarcassé, comme on dit chez Ducrot. Ah oui, alors à mon avis, le 7, il n'y a que Bob qui peut le retrouver, l'avant-dernier. Et un indice, il est mort l'année dernière. Ça a fait d'ailleurs un incident aux Victoires de la Musique. Il est mort en 2011. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Hein. Il n'est pas facile. Hein. Bachoum. Alors. T'as reconnu Bachoum. Moi, je n'ai pas reconnu Bachoum. Hein. Alors, Christophe. Christophe, t'en as reconnu 3, combien 4, déjà 5. Les interprètes n'aie pas honte, hein, Non, 3. Enfin, 3, oui, 3. 5. 3. Non, c'est que j'ai complètement oublié de donner les interprètes au début. D'accord. Non. Manu. 5. 5. GG. Dans le micro. 5. 3. Bob. Moi, 5 interprètes et 6 voitures. Oh hein, Philippe. 4. Oh là là là là. Toi, le spécialiste des variétés. Moi, 5 et 8 voitures. Non, il y a plein, il y en a plein que j'ai pas reconnu. Hein. Ah bon, on va faire comme Maurice. Ah, qu'est-ce que tu fais, Maurice ? Je suis décomposé depuis des années. On décompose. Donc le premier, Bob, c'est le jingle. Le jingle. Alors priorité à l'invité, bien sûr. Oui. Alors là, c'est qui ? Gainsbourg. Oui. Ford Mustang. Et qui c'est la meuf derrière ? Je sais pas. Jane Birkin. Ayam, je pense. Ayam, ouais. Renault 12. Je sais pas. Fuji ? Ah oui, Ayam. Ayam, Renault 12. Et Renault 12, on vient d'entendre. La seule fille que j'ai trouvée. Vanessa Paradis. Très bien. On a dit qu'on laissait priorité à l'invité. Ah, pardon. Mais il l'avait pas. Alors, la marque ? Je n'ai pas. Ni la marque. La Studebaker. Ah, ok. Studebaker. Bah, je connaissais pas. Parce que là, elle est très drôle. Ah. Ma jeunesse Renault. Ouais. Qui parle de Peugeot. Qui parle de Peugeot. Qui parle de Peugeot. On est au 5. Alors. La télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Je suis supprimé. Une petite MG. Ça, c'est pour Richard. Richard Anthony. Ouais. Richard Anthony. Et la marque MG. MG, ouais. Richard Anthony, ok. J'avais aussi. La belle vague. Il est devenu. Alors, c'est qui ? Je sais pas. Ah, si, Benabar ? Non. C'est, Qui c'est qui chante très mal ? Ouais. Kali ? Non. Pierre ? C'est attends. Pierre ? Pierre que Kali ? Calogero ? Non. Son père est écrivain. Son père est écrivain. Ouais, il fait du piano, il joue au piano. Ouais, merde, attends. Dutronc. Qui non. Parle de l'Opel Vectra. Ah, on connaît que lui. Ça m'agace. Ouais, ça m'agace. Le fils caché de Sylvie Vartan. Ça commence par un V, son prénom. VD, ses initiales. V. Victor David. Oh là là. Vincent Delerme. Ah ouais, Delerme, voilà. Bravo. Bravo. Ah ouais. Ah Oh, Vincent Delerm. Et il parlait de Opel. Ouais. Très bien, Manu. Et même alors après, Bob, il n'y a que toi là, qui peux trouver. C'est Vassiliu. Eh ben non, celui-là. C'est l'autre. Ah, c'est. C'est le travail. Oui, celui qui a la petite moustache. Il a une grosse moustache. Oui. Ah, attends, j'aimerais avoir la réponse de moi. Le prénom. Ah, ben si je te. C'est trop facile si je te dis le prénom. Ah. Son vrai prénom, c'était Maurice. Ah oui, d'accord. Non. C'est un Martin Circus ? Non. Non, non, non, c'est un gars qui chantait tout seul. Rissé Barrier. Et l'anecdote, c'est que son vrai nom, c'était Maurice Barrier. Et aux Victoires de la Musique, il y a, comme tous les ans, ils font ça au César aussi, il est disparu de l'année. Et ils ont mis la photo de Maurice Barrier, le comédien, qui est bien vivant. Ah d'accord. C'est très drôle. Il a été un peu surpris quand et on lui a raconté. Il parlait de quoi d'ailleurs là, alors, il parlait de Citroën Philippe, et de là, Ford. Là, tu ne dis rien. Parce que moi, j'ai retenu Ford. Parce que toi, t'as quand même Monsieur Citroën qui Martin, parle à Monsieur Ford. Martin, 5 ans avant. Oui. Alors, pas de commentaires, s'il vous plaît. Mais tu nous rassures, tu as des albums de Rissé Barrier ? Non, mais avec Internet, on fait des merveilles. Bon, là, c'est facile. Ah, c'est Dutron. Il parle de quelle marque ? De Renault et Ferrari, non, non. Il parle pas Renault Ferrari, non. Ah, non, c'est de chez Renault. Il y a une chanson de Renault, de Dutron, où il parle de Ferrari. Ah, je l'ai pas trouvé. Si, si, attends. Alors, moi, je pense quand même qu'on doit applaudir notre invité, parce qu'il a été quand même brillant. Ah, non, si, quand même, ce soir. Ah, il était brillant. Ah, oui, oui, oui, oui. Très brillant. Très, très bien. Bon, le petit quiz était un peu merci. Nul, mais le... Merci. Était très bien. Merci. Vas-y, Bélo, j'attends. Comment ? J'attends. Qu'est-ce que t'attends quoi ? Mes acclamations ! Ah oui ! Ah, j'avais oublié. Les acclamations de Don Salus, ah, alias Frédéric Costa. Don Salus. Ah, bravo. Wow. Viva Don Salus ! Viva Don Salus ! Monsieur est très poilu. Eddie ? Oui. Il m'acclamait pas le vieux, là. Ah si, je crois que si. Je crois que si. Alors, attention. Attention, parce que là, les moments sont dramatiques chaque semaine. Les, trois... les diamants sont éternels. C'est... Oh, ben non, je vous en prie. Alors, petit bateau. Je dois vous dire une chose, quand même, c'est que l'équipe des Chauves, vous avez particulièrement bien joué. Ah, car vous avez capitalisé tout au long de la soirée 7 points. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Incroyable. Ça mais, comme dirait Jacques Dutronc. Bob ayant triché toute la soirée. Honte à toi. Honteusement. Les petites molles ont gagné ce soir avec 10 points. Ouais. Vous êtes un menteur, monsieur. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur, monsieur. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ils n'ont pas 10 points. Bon, ben, Christophe, il faudra que tu reviennes pour une nouvelle manche. Ouais, avec plaisir. Ils n'ont pas 10 points. En attendant de te revoir pour une nouvelle manche, on va quand même pouvoir aller te voir jouer à la petite loge. Tous les mercredis soirs à 20h, aux 2 rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement, à Paris. Et on m'en joue après. Et c'est Christophe Ferrari, voix rouge. On m'en joue après. Très bien. Bon, Maurice, t'as bien retenu. Il y a des trucs bien après pour manger ou pas ? Ah oui, dans le coin. Ah, dans le coin, oui. Oui, très, très bien. Bon, bah, tant mieux, je viens. Donc, si on veut se marrer, hein, on a compris. Et puis, alors, si nos amis en province ont envie de te voir venir chez eux, bah, ils peuvent te contacter directement sur Facebook. Bien sûr. Ta page Facebook. Ouais. Christophe Ferrari. Est-ce que tu l'as déjà demandé comme ami ? Oh, je dois sûrement l'avoir dans tous mes amis. Ah, bon, on va aller voir ça. Ouais. Ben Christophe, on te remercie encore merci une fois. Merci à vous. Et puis, ben, on va venir se marrer avec toi à la petite loge à Paris. Ah oui. Bonne idée. Merci Christophe. Merci à vous. Donc, merci à Christophe Ferrari. Ouais. Merci à Gégé. Bravo. Ouais. Maurice, le scout, Bob du club, au revoir les filles, Manu, merci. Frédéric Coustet, et Mercadier, elle n'a pas fini, elle est morte, Davy pour la réalisation, René pour l'intendance, et Nathalie Arthaud, la mauvaise. Alors, des choses importantes à noter, si vous voulez retrouver le podcast de l'émission, c'est sur iTunes chaque semaine ou bien sur la page Facebook, on va se marrer avec la photo de l'émission. Et puis les anciennes émissions pour réécouter les vieilles conneries de Maurice, c'est sur onvasemarrer.com. Ah, merci là. De votre patience, rendez-vous la semaine prochaine. Oh ouais.